بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 15 dans l'explication de Riyad al-Salihin avec le charh du Cheikh Salih ibn Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Au dernier cours, on a clôturé le chapitre numéro 1 qui était Kitab al-Ikhlas. Et maintenant, on commence un nouveau chapitre. Et c'est Bab al-Tawbah. Bab al-Tawbah, c'est-à-dire la repentance. La repentance, qu'est-ce que ça signifie? Donc, le cheikh, il l'explique premièrement, l'imam al-Nawawi, dans son livre, il a donné une définition au début. Dans le chapitre de al-Tawbah, au début du chapitre, il a donné une petite explication. Et c'est ce qui est bien aussi par rapport à ce livre-là, c'est qu'il ne cite pas seulement les hadiths sur chaque question, mais il va également citer des versets de Coran, puis aussi il va donner des explications. Parce que l'imam al-Nawawi, c'est un grand alim parmi les ulama, et il a un charh de Sahih Muslim, et il a aussi de nombreux livres de fiqh. Donc c'est un grand alim, et c'était un shafi'i dans le madhab, hein? Donc, il avait une grande connaissance de la religion de façon générale. Et il dit donc ici, « قال العلماء, التوبة واجبة من كل ذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية. الثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه إن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Donc ici, le cheikh, il dit que les ulama, ils ont mentionné que la signification de At-Tawba, ou bien plutôt que At-Tawba elle-même, elle est obligatoire de chaque péché que tu as fait, tu dois te repentir. Et il dit que si c'est un péché que tu as fait entre toi-même et Allah, alors qu'il n'y a pas d'autre relation par rapport à ce péché-là avec un autre être humain, dans ce cas-là, il y a trois conditions. Parce qu'il y a deux possibilités. Que ton péché que tu fais, c'est un péché que yani, tu fais entre toi et Allah. Et que ça ne touche pas à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il y a trois conditions à respecter. Sinon, l'autre possibilité, c'est que le péché que tu as commis un péché en désobéissant à Allah, en faisant du tort à une personne en dehors de toi-même. Ou à plusieurs personnes. Alors, dans ce cas-là, il y aura d'autres conditions supplémentaires. Il n'y aura pas seulement trois conditions, il y en aura d'autres en plus. Les trois conditions de la repentance sont des conditions qui sont nécessaires pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette repentance-là de notre part et pour qu'il nous pardonne. Si on n'a pas respecté les trois conditions de la repentance, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter notre repentance. Et le cheikh, il explique les trois conditions en question. La première condition, c'est un yaqla'a anil ma'asiyah. Un yaqla'a anil ma'asiyah. C'est-à-dire que Si, par exemple, tu étais en train de faire ce péché-là, Achi, prends un sac dans la boîte, s'il te plaît, pour faire la salade. Barakallahu fik. Non. Donc, si, première chose, première condition, un yakhla anil ma'siyah. C'est-à-dire, si tu es en train de faire le péché sous le moment, c'est obligatoire pour toi de cesser de le faire immédiatement. C'est-à-dire, tu dois arrêter de le faire à ce moment-là, si tu veux te repentir. La deuxième condition, c'est que tu aies des remords de l'avoir fait. Donc, tu dois avoir des regrets. Tu dois avoir des remords. Si dans ton cœur, tu n'as aucun regret, tu n'as aucun remords, puis tu dis Astaghfirullah, ce ne sera pas accepté. Ce ne sera pas accepté comme une repentance. Pourquoi? Parce que Allah, il sait qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait si tu as des remords ou non. Donc, il faut avoir des regrets, il faut avoir des remords du péché que tu as commis. Et la troisième condition, c'est d'avoir la ferme détermination de ne plus refaire ce péché-là jamais. C'est-à-dire qu'au moment de ta repentance, tu dois être déterminé à ne plus jamais refaire ce péché-là par la suite. Et habituellement, quand quelqu'un il a le remords d'avoir commis un péché, eh bien, il se sent tellement mal qu'il a facilement l'intention et la détermination de ne plus jamais le refaire. Hein? Parce qu'il est dégoûté déjà par son propre péché. Hein? Il est dégoûté lui-même par son propre péché. Alors, il est déterminé à ce moment-là à ne plus jamais revenir à ce péché-là. Ça, c'est les trois conditions pour que la repentance soit acceptée et pour qu'elle soit valide. Et pour que Allah l'accepte. Et si, par exemple, le péché en question, si le péché en question concerne une autre personne, c'est-à-dire que, par exemple, tu as fait du tort à une autre personne, eh bien, dans ce cas-là, il y a une autre condition, une quatrième condition. Et cette condition-là, c'est que tu répares le tort que tu as commis vis-à-vis de cette personne. Si c'est de l'argent, par exemple, que tu lui as volé, eh bien, tu dois lui rendre cet argent. Si c'est une calomnie, que tu as calomnié quelqu'un, tu l'as accusé injustement d'avoir commis l'adultère ou d'avoir fait le zina, mais tu n'as pas produit quatre témoins, ça c'est ce qu'on appelle al-qadf en islam. C'est un très grand péché. La personne qui accuse quelqu'un d'avoir fait le zina ou traite quelqu'un de zani, même si c'est sa propre épouse, hein, ou son propre, et en ici la femme, c'est son propre époux. Si elle ramène pas quatre témoins, on doit appliquer sur elle la peine de al-qadf. Et si c'est son époux, bien la règle, il y a une règle différente aussi, c'est al-li'an. C'est-à-dire que à ce moment-là, si elle ramène pas quatre témoins, il doit jurer, hein, quatre fois ou trois fois il est véridique. Et la quatrième fois, il va envoyer la malédiction sur lui-même s'il est menteur. Et elle, si elle jure par là, soit elle admet qu'elle l'a fait, ou soit elle le nie. Alors, à ce moment-là, elle doit jurer elle aussi. Et à ce moment-là, les deux seront séparés à partir de ce moment-là. Non, ils seront séparés à ce moment-là. Et s'ils avaient un enfant, à ce moment-là, l'enfant-là sera plus attribué à son père. Ça, c'est ce qu'on appelle al-qadf. C'est extrêmement, extrêmement dangereux, extrêmement grave. Et il y a des gens parfois qui se permettent de faire le qadf et ils ne réalisent pas. Parce que sinon, si quelqu'un il a fait le qadf à quelqu'un, il n'a pas présenté quatre témoins, il doit recevoir, hein, c'est combien de coups de fouet? 80 coups de fouet. 80 coups de fouet pour avoir accusé quelqu'un de zina sans avoir produit quatre témoins. Et ça, c'est pour protéger l'honneur des individus. L'honneur des musulmans. Regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement là de YouTube, MeToo, comment ils appellent? MeToo. Yani, toutes les femmes qui commencent à accuser des hommes, ah, lui, il m'a agressé, lui, il m'a violé, lui, il m'a fait ci, lui, il m'a fait ça. Déjà, les koufars, on sait avec eux, la mixité, c'est halal. Le khalwa, c'est halal. Hein? Donc, ils se mettent toujours dans des situations pour justement inciter à tomber dans le zina. Et même, ils se permettent hein, de faire toutes sortes de choses haram entre eux, ensemble. Puis, ils s'isolent en privé, tout seul avec des femmes. Et puis après, la femme, elle l'accuse de zina. Comment tu as prouvé hein, que c'était zina? Ou bien, pas que c'était zina, mais comment tu vas prouver que c'était un viol? C'est ça la complication. Parce que l'homme, il dit, lui, non, c'était consentant. Parce que les koufars, pour eux, du moment qu'un homme et une femme, ils sont consentants, c'est considéré, hein, permis dans leur loi de faire le zina. C'est permis. Mais pour nous, les musulmans, non. Hein? Déjà, t'as pas le droit de t'isoler avec une femme. T'as pas le droit d'être, hein, de te mélanger avec des femmes étrangères dans un endroit, hein, isolé. Ça c'est haram. À moins qu'il y ait un mahram avec cette femme. Sinon, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Si tu fais ça, comme le professeur Sam l'a dit, le troisième c'est le shaitan. Le troisième c'est le shaitan. Donc tu ouvres la porte à la fitna. Hein? Donc l'islam, il a répondu à cette situation-là et à ce problème-là. Il a ramené les solutions. Bien entendu, les koufars, ils n'acceptent pas ces solutions-là parce qu'ils sont trop orgueilleux et arrogants pour se soumettre à leur créateur. Donc ça, c'est un exemple. Ou bien, la personne qui a accusé une autre personne de zina, il doit demander à cette personne pardon et il doit se repentir. Hein, si ce n'était pas vrai. Il dit, si par exemple, il a parlé dans le dos de quelqu'un, par exemple, quelqu'un, il n'était pas là, puis toi, tu as commencé à parler dans son dos, puis à dire des choses fausses sur lui, ou à dire des choses vraies sur lui, mais que la personne n'aime pas, ou bien des choses fausses sur lui, ça c'est encore plus grave. Alors, dans ce cas-là, tu dois aller voir la personne en question, et puis tu dois lui dire, hein, j'ai parlé dans ton dos, je te demande pardon. Ça, c'est une des conditions pour la repentance. Et il est obligatoire également de se repentir de chaque péché que tu as fait. Et si, par exemple, quelqu'un, il a fait plusieurs péchés, puis il se repent de quelques-uns, mais il se repent pas des, il a pas, il s'est pas repenti des autres. Alors, il dit, selon certains ulama, hein, selon les ulama de la vérité, yani, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ces péchés desquels il s'est repenti. Toutefois, il lui reste quand même à se repentir des autres. Et il dit que les preuves du Coran et de la Sunna sont hein, claires à ce sujet-là, de même que les preuves de l'ijma', c'est-à-dire le consensus de la Ummah sont claires sur l'obligation de se repentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la repentance en islam, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé seulement. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est mustahab. Si tu le fais, c'est mieux. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Non. Al-tawba wajiba. Al-tawba min al-dhunub wajiba. C'est-à-dire, c'est une obligation religieuse de se repentir. Ce n'est pas quelque chose qui est volontaire ou quelque chose que tu fais à titre volontaire dans le sens que tu. Dans le sens que si tu le fais, c'est bien, si tu le fais pas, c'est pas grave. Non, c'est une obligation. Si tu le fais pas, c'est un péché. Si tu te repens pas, Allah, de tes péchés, c'est un péché. Subhanallah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans plusieurs versets, comme le verset 31 dans Sourate An-Nur, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, pour que vous puissiez avoir le succès. Et le verset 3 dans Sourate Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Et le verset 8 dans Sourate At-Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'une repentance sincère. Hein? Donc il faut que cette repentance-là, elle soit sincère. Il ne faut pas juste que ce soit une repentance en apparence ou bien avec la langue. Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique maintenant la signification des détails de cette question-là. Il dit: At-tawbatu lughatan man taba yatubu idha raja'a. Wa shar'an ar-ruju'u min ma'siyati Allah ta'ala ila ta'atihi. Wa a'zamuha wa awjabuha at-tawbatu min al-kufr ila al-iman. Qala Allah ta'ala: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. Donc ici le cheikh il explique que التوبة selon la définition linguistique, ça vient du verbe taba yatubu. Taba yatubu. Tauba. Tauba, c'est le masdar. Hein? Et ça veut dire quoi? Iza raja'a. Iza raja'a. Raja'a yarji'u, ça veut dire revenir. Donc, la signification religieuse de tauba, c'est quoi? C'est de revenir d'un péché. De revenir de son péché vers l'obéissance. Hein? De revenir de la désobéissance à Allah vers l'obéissance à Allah. Et la plus grande forme de repentance et la plus obligatoire de toutes les formes de repentance, c'est de se repentir du kufr pour revenir à la foi. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. De même que, également, de se repentir de la bid'a vers la sunna. Ça aussi, c'est une repentance que beaucoup de gens, ils négligent. Hein, des gens qui font des bid'a, par exemple, qui célèbrent le Mawlid, ou qui ont des croyances de bid'a comme les Khawarij, ou les croyances des Soufiya, ou les croyances des Mu'tazila, ou des Asha'ira, ou des Maturidiya, ou bien des Qadiriya, yani, ou de n'importe quelle autre voie parmi les voies d'égarement et de bid'a, il faut que tu te repentes de ça. Il faut que tu reviennes à la sunna. Tu ne peux pas rester dans la bid'a et penser que tu vas être correct. Ça, c'est un des plus grands péchés. Donc, tu dois te repentir de ta bid'a. Et si tu fais partie d'un groupe parmi les Hizbiyah, la même chose aussi. Tu dois te repentir, quitter ce groupe. Si, par exemple, tu fais partie des Ikhwan al-Muslimin, ou bien tu fais partie de Hizb al-Tahrir, ou bien tu fais partie de Jama'at al-Tablir, ou bien tu fais partie de Jama'at al-Jihad, al-Khawarij al-Takfirin, ou bien tu fais partie de Daesh, ou bien tu fais partie de Al-Qaïda, hein, les Atba' bin Laden, ou Zawahiri. Tu dois te repentir. Tu dois quitter ces gens-là. Tu dois te désavouer d'eux. Et tu dois te repentir à Allah d'avoir été d'accord avec eux ou d'avoir cru en ce qu'eux, ils croient. Hein? Sinon, tu es dans un grand danger au jour de la résurrection. Parce que ça, ces bid'as sont des grands égarements. Également, tu dois te repentir. Hein? Puis le cheikh il a cité un verset, le verset 38 dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Dis au Muhammad à ceux qui ont mécru, ceux qui ont rejeté la foi, alladhina kafaru, s'ils cessent le kufr, tout ce qu'ils ont fait auparavant sera pardonné. C'est-à-dire, si quelqu'un il rentre dans l'islam alors qu'il était kafir, il était juif, ou il était chrétien, ou il était hindou, ou il était bouddhiste, il était athée. Hein? Il se repent, demande pardon à Allah, il se repent de sa mécréance, il rentre dans l'islam. Ça, c'est la plus grande obligation. Hein? Et ça, c'est le plus important pour le croyant. C'est-à-dire pour quelqu'un de se sauver de la mécréance et du shirk et du kufr en premier. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: « Fa'in tabu » وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني فإن تابوا من الشرك ها المشركون إن تابوا من الشرك إلى ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. C'est-à-dire ici, ils se repentent de la mécréance et du shirk, et qu'ils établissent la salat et qu'ils font qu'ils donnent la zakat, alors ils seront vos frères. Ils seront vos frères en religion. Et si quelqu'un, par exemple, qui était dans une bid'a ou qui était dans une secte, Hein? Des fois, ça, souvent, on voit des gens qui ont été avec des Khawarij, hein? Et qui disent, oh, maintenant, non, il a changé, maintenant, il n'est plus avec eux. Mais la personne, elle s'est jamais repentie, elle s'est jamais repentie ouvertement. Elle n'a jamais exprimé sa repentance ouvertement pour faire savoir aux gens qu'elle a quitté cette bid'a et qu'elle n'est plus avec les gens d'égarement. Ça, ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas juste te repentir comme ça sans rien dire. Surtout si tu étais sur une bid'a d'égarement et que tu appelais les gens à la bid'a et à l'égarement. Non, il faut que tu clarifies et que tu exprimes et que tu expliques aux gens la repentance et que tu montres aux gens la preuve que tu t'es repenti réellement. Et la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, fa in tabu wa c'est dans sourate al-Baqara. C'est ça. Fa in tabu wa aslahu wa bayyanu. C'est dans le verset. C'est quoi? إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Ça c'est dans sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et s'ils se repentent et qu'ils ont corrigé leur erreur et réformé leur erreur, وبينوا, et qu'ils clarifient la réalité de leur position, hein? Cela, Allah va accepter leur repentance. Mais si la personne, elle reste avec les gens de Bid'a et les Mubtadi'a pendant des années, puis après, elle cesse de le faire, ou bien on ne la voit plus pendant longtemps, après elle revient, puis elle n'a rien dit, elle n'a rien clarifié, sauf qu'elle ne parle plus de la Bid'a. Ce n'est pas suffisant pour qu'on dise cette personne, elle a changé ou elle s'est réformée. Non, il faut qu'elle se repente ouvertement et qu'elle déclare qu'elle se désavoue de l'égarement et qu'elle clarifie justement les égarements qu'elle faisait auparavant et que c'était ça qui n'était pas correct. Non. Non. Non. Pour que vous puissiez vous ensuite la repentance des grands péchés. Une fois que tu t'es repenti du kufr et du shirk, si tu n'avais pas de kufr et de shirk, tu n'avais pas fait de bid'a, maintenant tu dois te repentir des péchés qui sont parmi les grands péchés. Si quelqu'un buvait de l'alcool, il mangeait du porc, il volait, ou il faisait du riba, ou bien il faisait le zina, ou bien il y en a des grands péchés comme ça. Hein? Eh bien, il doit se repentir de ces péchés-là. Et le troisième degré, il dit le cheikh, c'est de te repentir des petits péchés, hein, des petits péchés que quelqu'un peut faire. Et le cheikh, il dit Al-wajib ala al-mar' an yatouba ila Allah subhanahu wa ta'ala min kulli dhanb. Wa lit-taubati shurutun. Hein? Donc l'obligation pour le musulman, c'est de se repentir de tous les péchés. Et la repentance, elle a des conditions, comme on l'a expliqué. Il dit شروطها ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله ولكنها بالتتبع تبلغ خمسة. الشرط الأول الإخلاص الإخلاص لله بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل أن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقصد بذلك مراءة الناس والتقرب إليهم ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطان وولي الأمر وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه. Donc le cheikh il explique que il y a trois conditions, comme l'auteur l'a dit, l'imam al-Nawawi, il a dit il y a trois conditions. Sauf que si on regarde bien comme il faut les détails de la charia, on voit qu'il y a plusieurs, il y a plus que ça, ça peut aller jusqu'à cinq. Et il mentionne les conditions, yani, qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi il dit cinq conditions. Il dit parce que l'imam al-Nawawi, il n'a pas mentionné al-ikhlas. Il n'a pas mentionné al-ikhlas, mais on sait que al-ikhlas ou niyya, c'est toujours, dans toutes les adorations, une condition. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama al-a'malu bil-niyyat ». Les actions ne valent que selon leurs intentions. Donc, même si l'intention n'est pas mentionnée parfois, il faut toujours la calculer. Parce qu'elle fait partie des conditions dans toutes les adorations qu'on fait. Et ici, le cheikh, il dit que « Al-ikhlas » envers Allah, la sincérité, la pureté d'intention et le fait de faire des actes uniquement pour Allah et pour personne d'autre que lui, eh bien, ça veut dire que quand il va se repentir, eh bien, il va se repentir uniquement pour Allah. Et pour que Allah accepte sa repentance et revienne vers lui. Et pour que Allah subhanahu wa ta'ala efface son péché qu'il a fait. Et il ne va pas se repentir dans le but de, yani, se faire accepter des gens, ou se faire voir des gens, hein, ou bien se rapprocher des gens, ou bien parce qu'il veut éviter la punition de la part du dirigeant, ou du responsable, du gouverneur. Hein, il a peur d'être puni, donc il se repent uniquement pour être épargné, pas pour Allah. Donc, il faut que la repentance soit uniquement pour le visage d'Allah seulement et pour l'au-delà. Hein, et pour avoir d'Allah son pardon vis-à-vis de son péché, par rapport à son péché. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition que le cheikh a mentionnée, « الشرط الثاني الندم » « على ما فعل » « الندم » « الندم » C'est quoi « الندم » Le regret, le remords, « الندم » Oublie pas, répétez ça. An-nadam. Hein? Donc ça veut dire tu as le remords, tu as le regret. An-nadamu ala ma fa'ala min al-ma'siyati. Li'anna shu'ur al-insan bin-nadam huwa alladhi yadullu ala annahu sadiqun bit-tawbah. Yani bima'na an yatahassar, hein, ala ma sabaqa minhu wa yankasiru min ajlihi. ولا يرى انه في يعني حل منه حتى يتوب منه الى الله. يعني le remords, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va faire un péché, il va ressentir le regret en lui. Et ça prouve que sa repentance elle est sincère. Et le cheikh il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se sent triste, désolé d'avoir commis ce péché là, hein? Il est désolé, il est attristé d'avoir fait ça. Et son âme il se sent brisé à l'intérieur, hein? Il se sent brisé à l'intérieur parce qu'il voit ce qu'il a fait de mal et qu'est-ce qu'il mérite comme péché, comme châtiment à cause de ça. Donc, il ne va pas se sentir en paix dans lui-même jusqu'à ce qu'il se repente à Allah et qu'il demande à Allah pardon et qu'il cesse ce péché-là. De toute façon, il n'y a pas d'autre voie que la repentance. Si tu t'es rentré dans un péché, t'es tombé dans un péché, il n'y a pas d'autre chemin pour toi pour être sauvé que la repentance. Hein? Comme les ulama, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, « La malja'a min Allah illa ilayh. »« La malja'a min Allah illa ilayh. » Tu ne peux pas te sauver. Il n'y a pas de refuge d'Allah contre Allah, excepté en allant vers lui. Tu ne peux pas t'enfuir d'Allah, excepté en fuyant vers lui. C'est pour ça que Allah dit dans le Coran, « Fafirru ilallah ». Hein? Ça, c'est une chose étonnante, parce que quand on s'enfuit habituellement, on s'enfuit de quelque chose, on ne s'enfuit pas vers quelque chose. Mais Allah dit, « Fuyez vers Allah ». Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut te protéger du châtiment d'Allah, excepté Allah. Hein? Donc ça, c'est important de s'en souvenir. « الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا من أهم شروطه. والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، مثل أن يكون الشخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله فلا بد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤديها. يعني on voit en même temps dans ces enseignements la miséricorde de l'islam et la beauté de l'islam et la grandeur de l'islam. Pourquoi? Parce que elle donne à l'être humain la liberté en réalité dans le fait que il y a toujours une porte ouverte pour lui pour se réformer, pour se changer, pour devenir meilleur, pour se repentir. Hein? C'est pas fermé. Il n'est pas condamné. Parce que sinon, quelqu'un qui tombe dans le péché, hein, il va dire, ah, ça y est, moi, j'ai plus d'espoir. Non, il y a de l'espoir. Du moment que tu es en vie, tu peux toujours te repentir. Tu peux toujours demander à Allah pardon. Et la repentance en islam, c'est une porte ouverte. C'est différent, par exemple, chez les chrétiens, j'ai réalisé, en regardant leurs enseignements, quand ils parlent du pardon, ils n'ont aucune compréhension de la réalité du pardon d'Allah. Parce que eux, ils ont l'idée que pour que Dieu pardonne aux hommes, il faut qu'il y ait du sang qui coule. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit tué ou sacrifié ou des choses de ce genre. Alors que dans l'islam, non. Hein? Et dans l'islam, du moment que tu t'es repenti à Allah, tu as l'ikhlas, tu as les remords, tu cesses de faire le péché, tu répares le tort que tu as fait, hein? Allah, il te pardonne. Allah, subhanahu wa ta'ala, il te pardonne et tu deviens comme le jour dans lequel ta mère t'a mis au monde, c'est-à-dire comme si tu n'avais plus de péché. Parce que, hein, comme on dit souvent, les ulama, ils mentionnent, « Al-ta'ibu min al-zambi kaman la zambala. »« Al-ta'ibu min al-zambi kaman la zambala. » Tandis que chez les chrétiens, si tu veux te faire pardonner, il faut que tu ailles à la confesse. Il faut que tu ailles dans une boîte. Le prêtre, il est dans une boîte à côté. Toi, tu rentres dans l'autre boîte. Entre les deux boîtes, il y a une petite fenêtre. Quand tu vas rentrer, ils appellent ça la confesse. Hein? Tu vas rentrer, le prêtre, il ouvre la petite porte. Tu vas voir la grille. Et là, il va te parler. Hein? Il va dire... Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as à dire? Et là, toi, tu vas lui dire, mon père, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors lui, il va te dire, oh, d'accord, fais ça. Récite 10, je vous salue Marie, 10 notre père, et ça y est, tu vas être pardonné. C'est comme ça. Hein? Alors que... va mon fils, hein, tu es pardonné ou des choses comme ça. A'udhu billah. Wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah. La yaghfiru adh-dhunuba illa Allah. Il y a personne qui pardonne les péchés excepté Allah. Même ce prêtre là qui te donne ton pardon, soi-disant le pardon, il fait des péchés lui-même. Comment il peut te pardonner? Il peut pas te pardonner. Hein? C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne. Et il y a beaucoup de chrétiens, justement, quand ils ont appris ça, quand ils ont compris ça, ils ont accepté l'islam, ils ont laissé le christianisme. Ils ont dit, c'est quoi cette religion bizarre, hein? Mais les prêtres, à l'époque, c'était un moyen pour eux de contrôler tout le monde et de savoir tout ce qui se passait partout, hein? Parce qu'ils connaissent le péché de tout le monde. Alors, c'est un moyen pour avoir le pouvoir sur tout le monde. C'est comme ça qu'ils contrôlaient les gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-iqla', ça c'est la troisième condition, c'est-à-dire de cesser de faire le péché. Par exemple, tu dois cesser de faire le péché. Ça c'est une des plus importantes parmi les conditions de la repentance. Et si le péché que tu faisais c'était de ne pas appliquer quelque chose d'obligatoire, eh bien ta repentance c'est de faire cette chose. Par exemple, si quelqu'un ne donnait pas la zakat, il n'a pas payé la zakat pendant longtemps. Sa repentance de ça, c'est de faire sortir sa zakat des années qui précédaient. et il n'avait pas payé sa zakat. Ça veut dire que même si tu ne l'avais pas fait, supposons que pendant 3, 4 ans, 5 ans ou même plus, tu n'avais pas payé ta zakat. C'est pas fini, c'est pas comme perdu, tu dis, ça y est, je suis fini, j'ai pas payé ma zakat, il n'y a rien à faire, je suis perdu. Non, tu peux te repentir. Tu vas prendre tout ce que tu avais à payer, tu vas faire le calcul, et puis approximativement, si tu n'es pas capable de savoir l'exact, hein, le montant exact, tu vas donner ce que tu penses, hein, et ce qui est plus proche d'après ce que tu fais ton calcul, tu regardes à peu près, et puis là, tu vas donner qu'est-ce qu'il y a. Hein, comme Zakat a payé. Donc, ce n'est pas perdu, ce n'est pas fini. Ce n'est pas comme s'il n'y avait plus d'espoir. Et il dit, إذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما. Si par exemple ton péché c'était d'avoir des manquements vis-à-vis de la bonté envers tes parents, eh bien ta repentance de ça, c'est de faire, hein, de donner, hein, le bon traitement et le bon comportement envers tes parents que tu ne leur donnais pas auparavant, hein, de réparer ça. فإذا كان مقصرا في صلة الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم هاه وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا لحظة. Donc il dit par exemple, si quelqu'un il avait un manquement parce qu'il gardait pas les liens de parenté avec ses proches, eh bien sa repentance de ça, c'est quoi? C'est de renouer les liens de parenté avec ceux qu'il avait coupés. Et si le péché, c'était dans le fait de faire un péché ou de faire quelque chose qui était haram et non pas de délaisser quelque chose qui était obligatoire, donc si c'est de fait qu'il faisait quelque chose qui est haram, il doit cesser de le faire immédiatement et même il ne doit pas rester sur ce péché-là, même pas un instant. Donc il dit par exemple, إذا كان مثلا من آكل الربا فالواجب أن يتخلص من الربا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا. Donc il dit comme exemple, si quelqu'un il consommait du riba, l'obligation pour lui c'est de se débarrasser du riba et de laisser, hein, et de s'éloigner du riba et de faire sortir ce qu'il a gagné, hein, par la voie du riba. إذا كانت المعصية بالغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة فالواجب أن يقلع عن ذلك. Donc si par exemple c'était par le fait de tricher, de mentir aux gens et de trahir la confiance des gens, alors dans ce cas-là, il doit cesser pour se repentir de ça, il doit, hein, cesser de le faire. وإذا كان اكتسب مالا من هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن يرده إلى صاحبه أو يستحله منه. Si par exemple il a gagné de l'argent de façon illicite, de cette façon, par ces moyens-là, injustes, en trichant, en mentant ou des choses comme ça, eh bien il doit rendre l'argent, hein, à ces gens-là ou demander pardon à ces gens-là pour qu'ils l'excusent. Et aujourd'hui, subhanallah, il y a des gens, ils volent des millions de dollars dans des compagnies, des investisseurs ou des choses à la bourse, là. Ils prennent l'argent des gens et puis ils volent ça, des millions de dollars. Comment vous pensez que ces gens-là, hein, ils vont rembourser? Dernièrement, il y a quelques années en arrière, il y avait justement un scandale comme ça dans une compagnie où des gens qui prenaient des investissements puis qu'ils le volaient. Ils volaient l'argent des gens. Ils ont volé des milliers de dollars, des millions de dollars. Et puis, ils les ont arrêtés, ils les ont jugés, ces gens-là. Et, subhanallah, les gens qui avaient perdu tout leur argent, tout leur investissement, ils ont perdu tout. Et là, ils demandaient, remboursez-nous notre argent et tout et tout. Eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent. Peut-être que hein, ils se sont enfuis avec, ou bien ils l'ont perdu, ou ils l'ont volé, ou hein? Et puis là, ils disaient non, on peut pas vous rendre votre argent, on l'a plus. Sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est 10 $, quelqu'un, il a pris de quelqu'un, il a pris 10 $, il le rend. Ça, c'est facile. Hein? Il le rend 10 $, tiens, je t'ai pris ça. Ça, c'est, je m'excuse, Yanni, j'ai pris 10 $, tiens. Je te demande pardon. Mais quand c'est des grosses sommes comme ça, et des gens qui volent des populations, des centaines de personnes comme ça, des milliers de personnes, ça, c'est des graves injustices. Hein? Allah Musta'an. Et même s'ils font de la prison, ça va pas rendre ça va pas te rendre ton argent. Hein? C'est ça qu'ils font maintenant. C'est comme tantôt, je regardais le procès de l'autre là, en Nouvelle-Zélande, qui a tué des musulmans dans la mosquée. Et je regardais la sentence qu'il a reçue, prison à vie. Il a dit, subhanallah, il a tué 51 personnes, il va aller juste en prison comme ça, c'est fini. Il a dit, c'est peu comme punition pour de vrai, quand tu regardes ça. Ça, c'est pas la justice. Ouais. C'est comme Et. ce que tu as fait Oui, au à Québec. Québec, c'est la même chose. Mais c'est même pas la prison à vie, je pense. C'est Même. quelques années. Ouais, c'est. En tout cas. C'est pour dire que la vie humaine, elle a peu de valeur dans ces pays-là. Elle a peu de valeur. Il n'y a pas de justice. Hein? Allah Mustaan. Comment tu vas tuer 100 personnes, 50 personnes, puis après on te donne prison? Prison, tu vas. Si tu tombes malade, ils te donnent des médicaments, ils t'amènent voir le docteur. Si tu as faim, ils te donnent à manger. Tu as un lit, tu peux faire du sport, tu gardes ton esprit. Hein? C'est comme un hôtel. Hein? La télé, l'internet. C'est comme un hôtel. Hein? 2 étoiles. Yani, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle un nadr. Yani, de faire un nadr. Tu fais un vœu de ne plus revenir à un péché. Puis tu peux, il y en a qui peuvent mettre une condition, il y en a qui ne mettent pas de condition. Ils vont dire, par exemple, si je reviens à ce péché-là, alors je dois donner 200 $ de sadaqa, par exemple. Alors il jure, je jure que je ne vais plus revenir à ce péché-là. Et si je le fais, alors là, je dois donner telle chose pour Allah. Jurer seulement, c'est. Ou juste jurer. Bon, si tu brises ton serment, alors en plus de la repentance, tu vas devoir jeûner 3 jours pour payer ton serment que tu as brisé. Donc ça, disons, c'est juste un taklif supplémentaire que tu te mets à toi-même, tu vois. Pour certains, ça peut parfois peut-être les motiver à rester plus ferme sur leur repentance, mais yani, c'est pas nécessaire de faire ça. Hein? C'est pas nécessaire de faire ça. Et yani, si tu es sincère dans ta repentance, ça suffit. Et même pour la cigarette, c'est pas nécessairement bon. Yani, subhanallah. Il y a des gens là, quand ils ont la volonté et ils sont déterminés, ils disent ça y est. J'arrête la cigarette. Et puis, il ne fume plus. C'est fini. Hein? C'est une question de volonté. Une question d'être déterminé. Non. Où est-ce qu'on était rendu? Donc, le cheikh, il dit, « إذا كانت ريبة فالواجب أن يقلع من ريبة الناس والتكلم في أعراضهم. أما أنه يقول أنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة، بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل، فكيف يتوب إلى الله عز وجل؟ فكيف تتوب إلى الله عز وجل وأنت مصر على معصيته؟ لو أنك تعامل بشرا من الناس تقول أنا تبت إليك وأنا نادم لا أعود ثم في نيتك وقلبك أنك ستعود وعد فإن هذه سخرية بالرجل فكيف بالله رب العالمين فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع من عن الذنب. Donc le cheikh il dit, si par exemple ton péché, c'est du fait que tu as yani, parlé dans le dos de quelqu'un. Alors, dans ce cas-là, ton obligation, c'est yani, de demander pardon à cette personne d'avoir parlé dans son dos. Il dit, si quelqu'un, par exemple, il persiste à faire ce péché-là, ou il persiste à délaisser ce qui est obligatoire, et qu'il dit, je me suis repenti. Il dit, ça, c'est pas une repentance. Il dit, la repentance, ça implique que tu cesses de faire le péché, pas que tu continues à le faire. Si tu continues à le faire, alors c'est comme presque comme si tu te moquais d'Allah. Hein? Donc, il faut comprendre une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait déjà si tu vas refaire ce péché-là ou non. Tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas lui mentir. Hein? Donc, si ta repentance, elle n'est pas sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Mais le cheikh, il explique, il dit, c'est comme un être humain même envers une autre personne. Si par exemple quelqu'un, tu vois, wa alaykoum salam wa rahmatullah, quelqu'un avec qui tu as une affaire, que tu interagis avec quelqu'un, ok? Et il te dit, écoute, je veux plus que tu fasses ça. À chaque fois, tu me dis telle chose, puis tu le fais pas. Hein? Ou bien tu me dis que tu vas pas faire ça, puis tu le fais. Donc là, hein, j'en ai assez. Hein? Alors toi, tu dis non, non, t'inquiète pas, je vais plus le faire. Je vais plus le faire, ou je vais pas recommencer. Mais dans ton cœur, tu te dis oui, je vais recommencer, mais je lui dis ça juste pour qu'il me laisse tranquille. Il dit, le cheikh, il dit, si tu agis comme ça envers une personne, ça c'est, n'est-ce pas que ça c'est de la moquerie? Alors il dit, alors comment tu peux agir comme ça envers Allah, subhanahu wa ta'ala? Donc la personne qui se repent réellement, c'est la personne qui cesse de faire le péché en question. والغريب ها يقول ومن الغريب ان بعض الناس تجلس اليه تجده يتاوله من وجود الربا وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله او يتهوه من الغيبه واكل لحوم الناس وهو من اكثر الناس غيبه نسال الله العافيه او يتهوه من الكذب وضياع الامانه عند الناس وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة يعني وعلى كل حال الإنسان لا بد أن يقلع من الذنب أو عن الذنب الذي تاب منه فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله والإقلاع من الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق بحق الله فهذا يكفي أن يتوب أن تتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس أو تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب لأن هذا بينك وبين الله فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون من المجاهر أو من المجاهرة يعني كما جاء في الحديث أن يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس ويقول فعلت كذا وكذا إلا أن بعض العلماء قال إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم الحدود مثل الأمير ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلا فيقول إنه فعل كذا وكذا يطلب إقامة الحد عليه لأن الحد كفارة للذنب. أما المعصية الأخرى المعاصي الأخرى سترها على نفس سترها على نفسك كما سترها الله بينك سترها الله وكذلك الزنا وشبهه وشبيهه استره على نفسك بالنسبة لغير ولي الأمر ولا تفضح نفسك ما دمت أنك تبت فإن فيما بينك وبين الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما إذا كان التائب أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق فإن كان مالا فلا بد أن تؤديه إلى صاحبه ولا تقبل التوبة إلا بأدائه، مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا فلا بد أن توصل المسروق إلى المسروق منه. نعم. Donc il y a un frère qui est en bas. Ah c'est toi Mohamed. Je viens juste de voir ton message. Ok. Naam. Ok, on va traduire tout ça, puis après on va s'arrêter. Aussi, il y a une chose importante aussi par rapport à ce que le cheikh il explique ici. C'est que quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un par exemple, s'il n'est pas sincère, et s'il persiste à faire le péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et s'il se repent juste comme ça avec la langue, il dit « Ah oui, je me repens », mais que dans son cœur, il n'est pas sincère, Allah, il le sait. Toutefois, si quelqu'un, il est sincère, il respecte toutes les conditions de la repentance, et il s'est repenti sincèrement, avec les remords, et avec ikhlas, et il a respecté toutes les conditions, et que pendant très longtemps, il cesse de faire ce péché-là. Si jamais un jour, il retombe dans le péché encore une fois, eh bien, est-ce que ça veut dire que sa repentance, elle n'était pas valable ou elle n'était pas bonne? Eh oui, elle était valable. Cette repentance-là, elle comptait. Sauf que il est retombé dans le même péché plus tard. C'est ça, il a eu une baisse de foi et la faiblesse, ou il a cédé à la tentation, il a suivi sa passion, il est retombé dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire tawba encore. Et qu'est-ce qui arrive s'il retombe encore une fois par la suite? Il doit faire tawba encore. Il n'y a pas une limite de foi. La seule condition, c'est que la personne respecte les conditions. C'est-à-dire, la seule chose qui est importante, c'est que la personne, elle soit sincère, et qu'elle respecte les conditions de la repentance à chaque fois. Si elle le fait sincèrement, Allah à chaque fois va lui pardonner. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, wa alaykum salam wa rahmatullah, il mentionne dans le Coran, inna al-hasanat yudhibna al-sayyi'at. Les bonnes œuvres, elles effacent les mauvaises. Donc quand tu fais un péché quelconque, tu vas effacer ce péché-là en faisant des bonnes œuvres. Et le fait de faire rak'atayn, ça fait partie des bonnes œuvres par lesquelles tu vas effacer le péché. Mais ce n'est pas une condition pour que tu sois, pour que ta repentance soit acceptée, que tu fasses rak'atayn. Ça peut être n'importe quelle autre bonne action aussi. Mais ça peut être dhikr, ça peut être sadaqa, ça peut être des choses comme ça. Mais c'est bien de faire raka'atayn parce que ça fait partie de la sunna. Naam ufika barak. Et le cheikh il explique, on va traduire rapidement ce que le cheikh il a dit ici. Il a dit donc que c'est étonnant parfois, il y a certaines personnes, il s'offense de la présence du riba alors que lui-même il est dans le riba. Wal'iyadu billah. Ou bien il s'offense de le riba et de parler dans le dos des gens et de manger la chair des gens alors que lui-même il est parmi ceux qui le font, ou bien qu'il s'offense de ceux qui ne respectent pas leurs engagements ou qui sont malhonnêtes envers les gens alors que lui il est comme ça, et ainsi de suite. Donc il dit de toute façon il faut cesser de faire le péché lorsqu'on est en train de le faire. Et si la personne, elle n'a pas cessé de faire le péché au moment où elle se repent, sa repentance sera rejetée. Elle ne sera pas profitable pour elle auprès d'Allah. Et elle doit donc cesser de faire le péché. Il dit, عن الذنب إما أن يكون إقلاع عن ذنب يتعلق بحق الله. Donc il dit, soit tu vas cesser de faire un péché qui est relié au droit d'Allah, c'est-à-dire un péché que tu fais entre toi et Allah seulement. Alors en ce moment-là, tu vas te repentir. Et il dit, tu n'as pas le droit de parler de ce péché-là aux autres ou de dire aux autres le péché que tu as fait. Que ce soit une chose que tu as faite qui est haram ou quelque chose qui était obligatoire que tu as délaissé. Parce que ce péché-là, c'était entre toi et Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait la faveur de te cacher et de te couvrir. Alors, ne retire pas ce voile que Allah a mis entre toi et les gens par rapport à ce péché-là. Et ne va pas en parler de ce que tu as fait comme péché. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils ont cette mauvaise habitude de dire aux gens les péchés qu'ils ont faits. Garde ton péché entre toi et Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma umma sera toute pardonnée, excepté ceux qui montrent leurs péchés ou qui exposent leurs péchés. Al-Mujahirun. Et il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il fait un péché, puis le matin il va voir les gens, puis il dit, j'ai fait telle chose. Et ça, c'est souvent le cas chez les jeunes. Des jeunes, parfois, ils aiment se vanter de leurs péchés à leurs amis ou à leurs copains. Hein? Ils vont les voir, ils disent, ah, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Taqillah, cache tes péchés, hein? Ne va pas les exposer. Et il dit, le cheikh, il dit, sauf si c'est un péché dans lequel il y a une peine et que tu vas aller voir le dirigeant ou le gouverneur pour qu'il applique la peine sur toi. Comme par exemple, quelqu'un qui a fait le zina, par exemple, il va aller voir le gouverneur, il va dire, j'ai commis le zina. Il veut être purifié de ce péché-là en faisant appliquer la peine sur lui. Sinon, c'est-à-dire c'est permis pour lui de le faire, d'aller voir le dirigeant puis de demander que la peine soit appliquée, malgré que ce n'est pas obligatoire. S'il garde ce péché-là entre lui et Allah et qu'il se repent sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner malgré tout. D'accord? Donc, il n'est pas obligé d'aller demander l'application de cette peine. Mais s'il le fait, oui, ce sera permis. Mais en dehors du gouverneur, il ne doit pas le dire à personne. Il ne doit pas le dire. Une fois, il y a un jeune musulman qui est venu me voir, il m'a dit, ah, j'ai dit à ma femme, j'ai avoué à ma femme que je l'avais trompé ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, repens-toi, puis garde ton péché pour toi, mais va pas commencer à ouvrir ta bouche, dire aux gens ton péché. Parce que ça, c'est déjà haram en partant, de le mentionner aux autres. Repens-toi, et puis purifie-toi, arrête de faire ce péché-là, retourne pas à ce péché-là, demande pardon à Allah. Parce que là, il ouvre la porte à d'autres problèmes en plus. Hein? Et donc, c'est pour dire, yani, si quelqu'un commet un péché, il ne doit pas le dire à personne, il doit se cacher de ce péché-là. Tu ne vas pas te dévoiler ton péché aux gens. Ça, c'est pas permis. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la prochaine fois la suite de ce sujet, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.